I want to say all these people who don't love me. All these people, I say, you take my self-control. You take my self-control. You take myself. You take my self-control. You take my self, you take my self-control. You take my self, you take my self-control. You take my self, you take my self. You take my self control. You take my self, you take my self. Et messieurs, dans quelques instants ça va commencer la soirée. C'est parti avec DJ Benji. DJ Benji au platine ce soir. roi du remix, c'est moi, c'est DJ Benji. Wins, super Claude François. C'est François François. Chante bien. c'est bien ça. Très bien. Tu n'arrives pas, moi, copine. Love my baby, love my baby. Love my baby. Ré mineur. Ré mineur, ce. Oui, il marche pas. Ré mineur. Oh, Fait bander quand même en autotune. I have an erection. Bonne soirée à tous. Moi j'y vais. Thank you.